السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. Bienvenue à tous. أهلا وسهلا ومرحبا بجميع الحضور، حياكم الله. Donc on poursuit l'explication des paraboles du Coran. Et aujourd'hui, nous allons faire l'explication des deux paraboles qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mentionnées dans sourate An-Nahl, donc sourate les abeilles. Et sourate les abeilles, donc sourate An-Nahl, est une sourate mécoise, à l'unanimité des savants. Mais après cette unanimité, certains gens parmi les savants sont d'avis que certains versets, donc de sourate An-Nahl, de sourate les abeilles, ont été révélés à Médine. Selon Ibn Abbas, par exemple, qu'Allah l'agrée, ainsi que son père, le verset 126, où Allah subhanahu wa ta'ala est dit « Wa in uqibtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih » selon la traduction rapprochée, « Si vous punissez, infligez une punition égale au tort que vous avez subi jusqu'à la fin de la sourate. » Selon Ibn Abbas, elle a été révélée à Médine. Mais les avis sont nombreux dans cela. Et le plus important est de savoir que sourate An-Nahl, donc sourate les abeilles, est une sourate mécoise. Et parmi les spécificités de cette sourate, c'est qu'elle a été surnommée la sourate des bienfaits. Car Allah subhanahu wa ta'ala y a mentionné de nombreux bienfaits. Et il a commencé par le bienfait le plus important, qui est le bienfait du tawhid et la pureté du culte voué à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit au début de cette sourate, dans le premier et le deuxième verset, Ata amrullahi fala tasta'jiluh subhanahu wa ta'ala amma yushrikun ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذر أنه لا إله إلا أنا فاتقون. الله سبحانه وتعالى il dit dans la traduction rapprochée de ce verset, l'ordre d'Allah arrive, ne cherchez pas à le hâter, gloire et pureté à lui. Il est bien au-dessus de ce qu'il lui associe. Par son ordre, il fait descendre les anges avec la révélation sur qui il veut parmi ses serviteurs, afin d'avertir les hommes en leur disant « Il n'y a de divinité digne d'adoration que moi, craignez-moi donc. » Et ceci est le plus grand des bienfaits. le bienfait du tawhid est le plus grand des bienfaits. Et un de nos pieux prédécesseurs, parmi les tabi'in, donc ceux qui sont venus après les sahaba, qui se nomme Sofiane ibn Uyayna, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde, il disait: Allah n'a pas donné à ses serviteurs un bienfait plus immense que de leur faire connaître la ilaha illallah. Et ceci, comme on l'a dit, est le plus grand des bienfaits. Et le tawhid est aussi la chose la plus importante. C'est pour cela que la plupart du Coran parle du tawhid et de l'interdiction du shirk. En effet, dans de nombreux versets, Allah subhanahu wa ta'ala mentionne que c'est lui qui mérite l'adoration et que l'adoration qu'autre que lui est caduque. Et parmi ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit à ce propos dans le Coran, il y a les deux paraboles qu'on va étudier aujourd'hui. Et la première parabole se trouve dans le verset 73 à 76 de Surat An-Nahl, donc Surat les abeilles. Allah subhanahu wa ta'ala il dit: وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالِ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit selon la traduction, ils adorent en dehors d'Allah ce qui ne peut leur procurer aucune nourriture, ni des cieux ni de la terre, et qui n'est capable de rien. N'attribuez donc pas de semblable à Allah, car Allah sait et vous ne savez pas. Allah propose en parabole un serviteur réduit à l'esclavage, dépourvu de toute capacité, et un homme libre auquel nous avons accordé d'amples ressources utiles dont il fait l'aumône en secret et en public. Ces deux hommes sont-ils égaux? La louange n'appartient qu'à Allah, mais la plupart des hommes ne le savent pas. Donc au début de cette parabole, Allah subhanahu wa ta'ala dit selon le sens, ils adorent en dehors d'Allah ce qui ne peut leur procurer aucune nourriture, ni des cieux, ni de la terre, et qui n'est capable de rien. Donc ici, Allah subhanahu wa ta'ala nous informe à propos de l'ignorance des polythéistes et de leur injustice, et qu'ils adorent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala des divinités qu'ils ont pris comme associées d'Allah. Et la situation est que ces divinités ne possèdent pas de subsistance pour eux, que ce soit dans les cieux ou la terre. Et ils ne font ni descendre la pluie, ni la subsistance. Et ils ne possèdent même pas le poids d'un atome, et même s'ils le voudraient, ils ne le pourraient pas. Donc ceux-ci sont les caractéristiques de leur divinité. Comment ont-ils pu les faire ressembler à celui qui possède les cieux et la terre, celui qui a la royauté entière, toutes les louanges et qui détient toute la force. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, selon la traduction, n'attribuez donc pas de semblable à Allah. Ceci, car attribuer un semblable à Allah est du shirk. Et le shirk, donc le polythéisme, est le pire des péchés. Abdullah ibn Mas'ud, qu'Allah l'agrée, rapporte que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fut questionné à propos du pire des péchés. Et il répondit, c'est que tu donnes à Allah un égal alors qu'il t'a créé. Rapporté par Al-Bukhari. Et attribuer un semblable à Allah est de deux types. La première catégorie, c'est ce qui va être du polythéisme majeur. C'est-à-dire que l'auteur de cet acte sortira de l'islam. Et ceci peut être dans la seigneurie, comme le fait d'attribuer à autre qu'Allah une action qui lui est propre, telle que la création ou bien faire descendre la pluie. Ou bien cela peut être dans l'adoration, comme le fait de vouer une adoration pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, tel que l'invoquer, c'est-à-dire invoquer autre que lui. Ou bien cela peut être dans les noms et attributs, tels que croire que les attributs d'Allah sont identiques à celles des créatures. Donc ça, c'est la première catégorie. La deuxième catégorie, c'est ce qui va être du polythéisme mineur. C'est-à-dire que l'auteur de cet acte ne va pas sortir de l'islam. C'est une action très grave, mais il ne va pas sortir de l'islam. Tel que, par exemple, jurer par autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc ici, dans la parole d'Allah, selon le sens, n'attribuez donc pas de semblable à Allah. Ici, le verset, il est général et il englobe les deux catégories. Et il englobe ici les deux catégories. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, car Allah sait et vous ne savez pas. Car Allah sait et vous ne savez pas. Selon le grand savant Ibn Kathir, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde, cette phrase signifie Allah sait et atteste qu'il n'y a de divinité digne d'adoration que lui. Et vous, par votre ignorance, vous lui donnez des associés. Et vous, par votre ignorance, vous lui donnez des associés. Fin de citation. Donc après avoir interdit aux polythéistes de lui attribuer des semblables, Allah subhanahu wa ta'ala a par la suite mentionné une parabole où il dévoile ce qu'ils ont commis comme grave ignorance et stupidité. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, dans la traduction rapprochée, Allah propose en parabole un serviteur réduit à l'esclavage, dépourvu de toute capacité, et un homme libre auquel nous avons accordé d'amples ressources utiles, dont il fait l'aumône en secret, en public. Ces deux hommes sont-ils égaux? Donc le sens de cette phrase est le serviteur réduit à l'esclavage, dépourvu de toute capacité, n'est pas égal à l'homme libre, à qui Allah a accordé d'amples ressources qu'il dépense, tout comme le Seigneur, le Créateur, le pourvoyeur n'est pas égal aux objets tels que les statues que vous adorez, qui ne voient pas, n'entendent pas et qui ne peut ni nuire ni être profitable. Donc ici, Allah subhanahu wa ta'ala, il a clarifié que l'incapacité de l'esclavage, que l'incapacité de l'esclave est un attribut déficient et que la capacité, la possession et la bienfaisance sont des attributs de perfection. Et qu'il y a une différence entre les deux. Et que la perfection est à Allah subhanahu wa ta'ala et la déficience est à ceux que les polythéistes adorent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsqu'Allah il dit, selon la traduction, ces deux hommes sont-ils égaux ? Donc ici l'interrogation a le sens du blâme. Allah subhanahu wa ta'ala, il blâme les polythéistes, car ils savent que ces deux hommes ne sont pas égaux. Malgré cela, ils donnent des associés à Allah subhanahu wa ta'ala qui ne leur sont ni profitables et qui ne peuvent en aucun cas leur nuire. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala il dit selon la traduction, la louange n'appartient que à Allah subhanahu wa ta'ala. Selon certains exégèses, ce qui est voulu par la louange n'appartient qu'à Allah, c'est-à-dire concernant ce qu'il a accordé à ses alliés comme bienfait du tawhid, c'est-à-dire concernant ce qu'il a accordé à ses alliés concernant, ou plutôt comme bienfait du tawhid. Donc après cela, Allah subhanahu wa ta'ala mentionne une autre parabole. Il dit selon la traduction, Allah donne également en parabole deux hommes. L'un est muet, impotent et totalement à la charge de son maître, qui où il l'envoie n'en tire rien de bon. Serait-il semblable à celui qui ordonne la justice et suit une voie droite? Donc dans cette parabole, Allah rabaisse les idoles, car ils ne parlent pas, n'entendent pas et ne sont capables de rien. Et ce qui est connu, c'est que ne pas pouvoir s'exprimer et ne pas pouvoir faire une action sont des attributs déficients. Alors que s'exprimer et avoir la capacité sont des attributs de perfection. Donc Allah, il dit, selon la traduction, Allah donne également en parabole deux hommes, l'un est muet. Donc selon les exégèses, il ne parle pas et n'entend pas. Et lorsqu'Allah il dit impotent, c'est-à-dire qu'il est dépourvu de toute capacité, que ce soit des choses pour lui-même ou bien pour autrui. Tout comme les idoles, elles ne parlent pas, n'entendent pas, elles ne peuvent rien faire, ni pour eux, et ni même pour autrui. Et lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala il dit, selon la traduction, est totalement à la charge de son maître, qui, où qu'il l'envoie, n'en tire rien de bon, donc en plus d'être une charge pour son maître, il ne lui est d'aucune utilité. Il est déficient de toutes parts, tout comme les idoles, qui sont en plus d'être d'aucune utilité, sont une charge pour ceux qui les possèdent. Car souvent les idoles ont besoin d'entretien. C'est pour cela que dans certains pays, d'accord, c'est pour ça que dans certains pays, de grosses sommes sont dépensées pour l'entretien des idoles. Et c'est à Allah subhanahu wa ta'ala que nous demandons le secours. Ensuite, il dit, serait-il semblable à celui qui ordonne la justice et suit une voie droite? Ici, Allah blâme les polythéistes, car ils savent que ces deux hommes ne sont pas semblables. Celui qui ordonne la justice et suit une voie droite n'est pas égal à celui qui ne parle pas, n'entend pas et est incapable, tout comme Allah n'est pas égal à leurs idoles. Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, qu'Allah lui fasse miséricorde, dans son livre intitulé « Al-Fatawa », après avoir mentionné ces deux paraboles, il dit « Et cette parabole indique l'appel à l'adoration d'Allah seul, sans rien lui associer, et le rejet de l'adoration des idoles aux causes de la présence, ou plutôt à cause de la présence de différences. Et donc, si on connaît l'inégalité entre le parfait et le déficient, et qu'on connaît que le Seigneur est plus parfait que sa créature, il est obligatoire qu'il soit plus parfait qu'eux et plus sans droit. » Fin de citation. Donc après avoir fait l'explication de ces deux paraboles, nous allons mentionner quelques enseignements. Donc le premier enseignement, c'est que le tawhid, donc l'unicité, est le plus grand bienfait qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait attribué à ses serviteurs. Et il est obligatoire pour le croyant de préserver ce bienfait. Le tawhid, il est comparable au fonds de commerce pour un commerçant. Et comme vous le savez, barakallahu fikoum, si le commerçant perd son fonds de commerce, il n'a plus rien. Et il n'est même plus considéré comme un commerçant. Parmi les choses que le serviteur doit faire pour préserver ce bienfait, il y a s'écarter du shirk, donc s'écarter du polythéisme. Et concernant ce sujet, la question qui revient souvent est comment être préservé du shirk. Ça, c'est une question qui revient souvent. Beaucoup de musulmans, ils se posent la question lorsqu'ils ont compris, ils ont appris la dangerosité du shirk, la dangerosité du polythéisme, il se demande comment être préservé du shirk. Et en réalité, ce sujet est certes vaste. Mais inshallah ta'ala, on va mentionner certaines causes à cela, tout en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala que cette parole soit profitable. Donc la première cause pour être préservé du shirk, c'est invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Demander à Allah qu'il nous préserve du shirk. Car si le prophète Ibrahim alayhi salam a demandé à Allah qu'il le préserve de l'adoration des idoles alors qu'il les a cassées et que c'est un imam, un guide, alors que dire de nous? Le croyant doit demander à Allah subhanahu wa ta'ala de le préserver ainsi que ses enfants du shirk, donc de l'association à Allah subhanahu wa ta'ala. La deuxième cause, comme on l'a déjà mentionné dans un des cours, l'apprentissage du tawhid et de son contraire qui est le shirk, et faire beaucoup d'efforts dans cela, fournir beaucoup d'efforts dans l'apprentissage de l'unicité, et aussi apprendre le contraire de l'unicité, qui est le shirk, pour pouvoir s'en protéger, et pour pouvoir s'en préserver. La troisième cause, c'est mettre en pratique l'unicité. Car la mise en pratique d'une chose est une cause de préservation. La mise en pratique d'une chose est une cause de préservation. Donc le fait que le musulman mette en pratique le tawhid, c'est une cause qu'Allah subhanahu wa ta'ala le préserve du shirk et le fasse mourir sur le tawhid. Et la quatrième cause qu'on peut mentionner ici, c'est s'écarter des mécréants et des polythéistes. Car le shirk et la mécréance n'est pas venu tout seul, mais plutôt ce sont les gens qui commettent le shirk et qui commettent la mécréance. Il faut donc s'écarter d'eux. Et l'un des meilleurs moyens pour s'écarter des mécréants et des polythéistes, si ce n'est pas le meilleur moyen, c'est la hijra. C'est quoi? C'est la hijra. Et la hijra consiste à quitter une terre de mécréance pour résider en terre d'islam. Donc c'est le fait de quitter une terre de mécréance pour vivre en terre d'islam. Et ceci est une obligation pour tout musulman vivant en terre de mécréance et qui ne peut pas extérioriser sa religion. Mais ici, il y a un point essentiel à souligner, car beaucoup de musulmans, sauf à ceux à qui Allah subhanahu wa ta'ala a fait miséricorde, pensent qu'extérioriser sa religion, ça se résume à prier, à jeûner, à donner la zakat, donc à donner l'aumône légale, à faire le pèlerinage, etc. Mais ceci est une mauvaise compréhension, car ce n'est pas ce qui est voulu par extérioriser sa religion. Mais alors la question qui se pose, qu'est-ce qui est voulu alors par extérioriser la religion en terre de mécréance? Car c'est quelque chose qu'on entend beaucoup. Car les savants, ils mentionnent que le musulman qui peut extérioriser donc sa religion, donc la hijra sera recommandée. Et le musulman qui ne peut pas extérioriser sa religion, la hijra sera obligatoire. Donc il faut connaître et savoir qu'est-ce qui est voulu par extérioriser sa religion. Et en réponse à cette question, nous allons mentionner la parole d'un grand savant de l'islam qui n'est d'autre que Cheikh Salih Al-Fawzan, qu'Allah subhanahu wa ta'ala le préserve. Il dit, concernant le sens d'extérioriser sa religion en terre de mécréance, il dit, je cite, « Ce qui est voulu par extérioriser la religion, ce n'est pas qu'il te laisse prier et adorer Allah, mais c'est plutôt déclarer que l'islam est la religion de vérité et que toutes les autres religions sont fausses et qu'Allah a rendu obligatoire à toute l'humanité le suivi du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et que toutes les législations ont été abrogés par l'islam et qu'il appelle les gens à l'islam. Ceci est le sens d'extérioriser la religion. Mais en ce qui concerne le fait qu'il te laisse prier, jeûner, etc., ceci n'est pas extérioriser la religion. » Fin de citation. Et la hijra a de nombreux bienfaits. Parmi eux, le fait de préserver son tawhid en s'écartant des mécréants et des polythéistes. Tout comme dans le fait de résider en terre de mécréance, il y a de nombreux méfaits. Parmi c'est le fait d'être touché par certains comportements des mécréants, par certaines habitudes des mécréants, ou même certaines paroles qui peuvent être des fois contraires à ce qu'il y a dans la religion et contraires à ce qu'il y a dans le Coran. Et on ne va pas aller très loin. On va prendre un exemple que je pense tous les auditeurs connaissent. Tout auditeur connaît cet exemple. Prenons l'exemple d'une expression que les Français mentionnent souvent et que les musulmans ont pris des mécréants. Lorsque tu quittes ton ami, d'accord, tu as un ami par exemple, et par exemple tu le quittes, et en lui disant au revoir, tu veux lui montrer que, Inch'Allah, vous allez vous revoir. Qu'est-ce qu'en général ils disent en France ? Ils disent, on va se croiser, de toute façon, le monde il est petit. On va se croiser, le monde il est petit. Donc, cette parole-là, elle est prise des mécréants. Et elle n'est pas prise des gens de l'islam. Car les gens de l'islam ont le Coran. Et dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, par exemple, il dit dans le verset 56 de sourate l'araignée, il dit « Ya ibadi alladhina amanu, inna ardi wasi'a, fa iyaya fa'budun » Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « Oh mes serviteurs croyants, ma terre est vaste, n'adorez donc que moi. » Donc dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit que sa terre est vaste. Alors que qu'est-ce que les mécréants ils disent eux ? Ils disent que la terre est petite. Donc qui nous devons croire ? Est-ce les mécréants ou est-ce Allah ? Il n'y a pas de doute que nous devons croire Allah subhanahu wa ta'ala. Et malheureusement, le fait que les musulmans, d'accord, on vit dans les pays de mécréance, on est touché par ce genre de paroles. Et des fois, ce sont des choses qui sont dans notre croyance. Par exemple, certains musulmans ont pris des mécréants que si, par exemple, tu vas te marier, par exemple, avec une cousine éloignée, par exemple, qui tu peux te marier avec elle. Ou quelqu'un, par exemple, de ta famille, qui ne t'est pas interdit au mariage. Alors, s'ils ont des enfants, alors les enfants, ils vont avoir une trisomie 21 ou ce genre de maladie. Mais ça, c'est pris d'où ? C'est pris des mécréants. Et ça, c'est le contraire du tawhid. Car seul Allah, subhanahu wa ta'ala, il connaît ce qui va se passer dans le futur. Le fait que tu te maries, par exemple, avec une femme de ta famille, d'accord, avec qui tu peux te marier. Et même avant d'avoir un enfant, tu dis, si j'ai un enfant avec elle, il va avoir la trisomie 21 ou ce genre de choses. Ça, c'est pas le tawhid. Ça ne fait pas partie du tawhid. Et quel est le résultat de cela ? Quelle est la cause de cela ? La cause, c'est que le musulman, en vivant dans ce genre de pays, va forcément être touché. Soit dans sa croyance, ou soit dans ses habitudes, ou dans d'autres choses. C'est pour ça que celui qui veut mettre son tawhid à l'abri, alors qu'il fasse la hijra, alors qu'il émigre, et certes Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans son livre que sa terre est vaste, et comme cela le serviteur mettra son tawhid en sécurité. Car en vérité, le musulman qui vit en terre de mécréance et qui subit la mécréance et qui vit la mécréance, son tawhid est certes en danger. Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter à tous. Le deuxième enseignement, c'est que le croyant n'est pas égal au mécréant. Donc ça, c'est le deuxième et dernier enseignement, même si les enseignements de ces deux paraboles sont nombreux, mais on a traîné un peu aujourd'hui. Donc on va s'arrêter là, incha'Allahu ta'ala. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter à mettre en pratique l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme nous lui demandons de nous faciliter à, ou plutôt nous lui demandons de nous préserver du shirk. Et bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala, notre prochain rendez-vous, donc c'est lundi, car le week-end il n'y a pas cours, en tout cas par rapport aux paraboles du Coran. Et aussi, je vous informe que, par la grâce d'Allah, les cours, donc tous les cours de l'ensemble du séminaire, sont maintenant sur notre site internet, donc merkazalghuraba.com. Donc celui qui a raté des cours ou bien il veut les réécouter, il peut sans difficulté revenir au site et les écouter, incha'Allah ta'ala. Wallahu al-musta'an, wa bihi tuklan. سبحانك اللهم وبحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته